Bonjour. Suite au live, il y a certains sujets qui ont été abordés que habituellement, même des sujets qui ne m'intéressent pas vraiment, comme l'affaire des Melchizedek, là, j'avoue que mais je pense quand même avoir répondu quand même. Mais par rapport à certaines questions que j'ai pas le temps d'élaborer ou d'attendre que d'être vraiment dedans, parce que ça défile le chat, il y en a qui m'ont parlé de ce qui est archangélique, les archanges. Si on regarde ça, si on veut donner une forme à ça pour en parler, puis ça m'est venu par après, ça a activé une sorte de dialogue interne, puis je regardais ça, on pourrait considérer ce qui est angélique sur Terre comme de l'exécutif, alors que ce qui est archangélique serait, jusqu'à un certain point, si on l'observe depuis ce niveau-là, quelque chose de législatif. Et aussi, il y en a qui m'ont demandé, c'est quoi être créatif? Puis je me suis dit, bon, dans quelle optique que je le regarde? Parce que la multidimensionnalité, ça fait que il y a différents faisceaux, si on peut dire. Mais si on considère les trois principes, l'amour, la volonté, puis c'est ça, l'amour, la volonté, puis l'intelligence, on pourrait considérer que l'amour, c'est de l'énergie, que la volonté, c'est la capacité de donner une direction à l'énergie. Et que la créativité, c'est lié au principe de l'intelligence. Donc, la créativité, c'est la capacité d'engendrer des structures qui font en sorte que l'énergie se diffuse d'une façon harmonieuse. C'est quand même assez simple, mais je trouvais ça intéressant. Peut-être que ça ne l'est pas, mais je trouvais ça intéressant. Puis, par rapport, il y a beaucoup de gens qui veulent me rejoindre, qui veulent m'écrire, puis jusqu'à un certain point, qui veulent se rapprocher de moi. Et je vous dirais, dès que les gens se rapprochent de moi, il finit par y avoir de l'émotivité et ça rend subjectif et ça nuit toujours. Donc, je suis plus utile en restant distant. Mais quand même, là, je regardais ça par rapport à l'affaire de créativité. Oui, si on peut considérer l'amour comme de l'énergie, la volonté comme la capacité de donner une direction à l'énergie, bien, la créativité devient la capacité de créer des structures intelligentes pour coordonner l'énergie de façon harmonieuse. Et puis, c'est ce que je voulais dire. Donc, bonne journée.